dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, c'est un rappel que Jésus fait ce matin à travers notre frère Josué. Pour le Seigneur, la foi et le baptême, c'est un. Ça n'existe pas dans les Écritures un croyant qui ne se faisait pas baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, on accueille notre frère Josué, au fond, pleinement. La seule façon de savoir que quelqu'un a mis sa foi en Christ, c'est qu'il obéisse à Christ. OK. Mon seul désir ce matin, c'est de proclamer le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est mon seul désir, c'est mon but. C'est ça mon désir. On va lire chapitre 1 dans Jean. On continue. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il confessa sans le nier. Il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Je vais arrêter la lecture ici pour le moment. Quand Gilles a abordé le chapitre 1, la semaine passée, principalement, il s'est arrêté au verset 1 à 4, bien qu'il ait lu un peu le reste. Et de mon souvenir, ce qu'il désirait communiquer particulièrement, c'est qu'il y a un fondement dans ces paroles, ces quatre premiers versets, dans l'introduction de l'Évangile. Il y a un fondement sur lequel notre vie est bâtie, nous les croyants. Puis ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Non seulement c'est Jésus-Christ, bien que c'est Jésus-Christ, ce que j'essaie de dire, c'est de saisir qui il est. Et Gilles est revenu à plusieurs reprises dans son enseignement sur le fait que Jésus-Christ, il est Dieu. Et il s'est basé sur ce que la parole dit. Il existe de toute éternité. On va continuer sur la même lignée. Je vais revenir encore là-dessus. Parce que dans les 18 premiers versets de l'Évangile, il est dit de façon insistante de la part de Dieu. Que le monde a été fait par lui. Au verset 3, tout a été fait par elle, c'est-à-dire la parole, on va dire par lui, Jésus-Christ. Tout a été fait par lui. Puis ça, c'est important là, de le garder, de sceller ça dans votre cœur et de ne pas avoir d'ambiguïté. Qui a créé le monde? Tout a été fait par lui. Qui ça? Jésus-Christ. Tout a été fait par lui et pour lui. Christ. Hein, Colossiens 1. Tout a été fait par lui et pour lui. Et verset 8, mais 10. Elle était dans le monde, et encore, le monde a été fait par elle, par lui, la parole. Et le monde ne l'a pas connue. Au moins à deux reprises, là, le Seigneur insiste pour nous dire, le monde a été fait par lui. Tout a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait, qui existe, qui peut s'appeler être fait, a été fait sans lui. Rien. Rien n'a été fait sans lui. Il nous dit, en lui, je vais utiliser lui pour votre bénéfice de vos oreilles, en lui était la vie. Au verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. On a regardé trois semaines l'introduction que j'avais apportée. Je vous avais cité Jean 20-31 comme ce que le Seigneur nous dit, là, l'Esprit de Dieu nous dit, ça c'est le but pour lequel j'ai écrit. Et quand il donne l'introduction, les 18 premiers versets, c'est que le but pour lequel il écrit, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom, il est en train de mettre là vraiment la fondation. Parce que tout le reste, quand on découvre Jésus, à partir du moment où on va se faire baptiser, et où Jean baptiste va déclarer qui il est, le fondement des 18 premiers versets est là. Au commencement était la parole. Et la parole existait déjà d'autres traductions. Avant que le monde soit créé, ça dit dans le français courant, quelque chose comme ça. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le parallèle avec ça, qui est du même auteur, c'est 1 Jean, et c'est les premiers versets qu'on avait déjà regardés, mais on va y revenir tout le temps, au fil des mois, dans le fond. Jean 1, premier épître de Jean, c'est-à-dire chapitre 1, verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Les deux premiers versets de Jean 1 Jean. Et la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique de Dieu, qui dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Il y a quelque chose au sujet de Jésus qui est dérangeant, profondément dérangeant pour l'humain. Pour celui qui veut, qui rejette Christ. Il y a une chose que ces gens-là ne peuvent pas admettre. Ils l'ont crucifié à cause de ça. Il y a des déclarations, celle-là en partie auxquelles je pense au sujet de Jésus, que celui qui croit à cette déclaration-là, il est fait devant quelqu'un qui est véhément, qui est absolument outragé par votre foi en Christ. Puis il y a des marques à peu près toute l'humanité. C'est-à-dire, ça fait une démarcation dans toute l'humanité. Et on la voit au verset 18. Et on la voit au verset 34. Et on la voit un petit peu avant, au verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de Dieu, venu du Père. Déclarer ça à quelqu'un. Il est le Fils unique de Dieu. Et venez me dire ensuite la réaction. S'il vous croit, puis qu'il se prosterne devant le Fils unique de Dieu venu du Père, gloire à Dieu. C'est une des attaques qui est faite au sujet du Seigneur, entre autres dans l'islam. Le Fils unique de Dieu. Un avec Dieu. Il est Dieu. C'est ce que des détracteurs, ceux qui sont opposés à l'Évangile, vont venir mettre en doute. Parmi ceux qui même frappent à vos portes. Et je n'ai même pas envie de les nommer. L'Éternel fait homme. Dieu fait homme. Oui. L'Éternel fait homme. Ça, là, vous êtes heureux parce que vous y croyez. Mais c'est une grâce que vous y croyez, les bien-aimés. C'est une grâce si on y croit puis qu'on a eu le privilège de se prosterner devant le Seigneur. Puis de croire qu'il est Dieu, le Fils unique venu du Père. Et ça nous ramène même, ça nous amène plus loin dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils éternel de Dieu. Unique. Il a donné. Pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu envoie Jean, je parle de Jean-Baptiste ici. J'aime ça, il y a d'autres traductions qui disent Jean le baptiseur. C'est juste ça nous porte à réfléchir un peu plus à ce que Dieu lui a confié. Jean-Baptiste, des fois, on est trop habitué d'entendre Jean-Baptiste. Jean le plongeur. Celui qui faisait plonger, l'immergeur. Il y a un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Je prends quelques instants juste pour s'arrêter sur cet homme-là, sur ce que Dieu, son ministère. Vous savez que Jean, Le baptiseur, c'est un ange qui annonce à Zacharie, son père, alors qu'il est là, dans le lieu saint, c'était son tour, là, de classe, en tant que sacrificateur, et il lui dit, « Zacharie, tes prières ont été entendues, mon homme. Ta femme va être enceinte. Je le dis. » Et Zacharie, il n'a pas cru à la parole de l'ange. Il a été muet jusqu'à ce que son fils naisse. Et il y a des choses qui sont dites au sujet de Jean. Je ne veux pas m'attarder trop à ce point-ci, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer quand je vais dans Luc chapitre 3. On va revenir dans Jean, mais regardez Luc chapitre 3 au verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétraque de la Galilée, son frère Philippe tétraque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétraque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Un moment bien précis, Jean est dans le désert, OK, depuis un certain temps. Habillé de vêtements de poils de chameau, c'est bien, c'est ça? Ceinture de cuir. Mange des sauterelles et du miel sauvage. Dans le désert, un moment précis, bien précis, on pourrait décortiquer le moment bien précis parce qu'il nous est dit 15e année du règne de Tibère César, et voilà tous les gens qui étaient en place, les gens au niveau gouvernemental, et voilà les sacrificateurs qui étaient là à ce moment-là, Anne et Caïphe. À ce moment-là, un moment précis, Dieu a adressé la parole à Jean. OK, Jean, c'est le temps, mon gars. Vas-y. Jean est envoyé par Dieu. Verset 3 dans Luc 3. Et il alla dans toute la région du Jourdain, et il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. » Laissez-moi vous dire, les montagnes, les vallées, les sentiers, ça parle des cœurs des humains. Et Dieu envoie Jean. Là, si je retourne dans l'évangile de Jean, verset 6, « Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il n'était pas la lumière. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Et pour notre bénéfice, dans Ésaïe, c'était annoncé. Et de mon souvenir, Christian, tu peux me corriger, c'est à peu près 600 ans avant, même peut-être même 700. Jean était annoncé dans le livre d'Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Pensez-y, là. Donc, quand Zacharie rentre pour prier le Seigneur puis faire ce qu'il a à faire en tant que sacrificateur, là, puis que Dieu envoie l'ange, Gabriel, qui se tient devant Dieu, c'est planifié depuis longtemps, là. Vous savez pas, c'est pas une idée qui vient de surgir, là. C'est planifié depuis longtemps. En fait, avant la fondation du monde. Mais c'était écrit dans les Écritures. J'envoie mon messager devant toi. Et arrive Jean, et au moment convenu par Dieu, il lui dit, vas-y mon gars, c'est le temps maintenant. Et il va tout de suite commencer à prêcher le baptême de repentance. Jésus dit d'ailleurs de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais, oui Jacques, vas-y. Vas-y. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Exactement. Juste se rappeler, OK, c'est Élisabeth, la mère de Jean. On dit oui. Et donc, quand Marie va voir Élisabeth, et que l'enfant tressaillit dans son sein, ben c'est deux cousines, c'est deux parentes là en tout cas. Hein? Puis et en même temps, Jean ne savait pas que son cousin était celui qui allait annoncer. Il ne savait pas. La preuve, on va lire un peu plus loin, vu qu'on est dedans. Quand on arrive un peu plus loin dans chapitre 1, verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, c'est Dieu. M'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit. Alors quand Dieu envoie Jean, il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est lui. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Parce que, et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Et quand Dieu envoie Jean, il dit au verset 31 du même chapitre, je suis un petit peu en haut, « Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Donc, quand dans Ésaïe, Dieu prophétise d'avance, « Voici, j'envoie mon messager devant toi. » C'est la voix qui crie dans le désert et prépare les sentiers, prépare les cœurs pour accueillir le Fils de Dieu. Donc, le ministère de Jean, quand il est en train de baptiser dans le désert, c'est pour qu'à un moment donné, le Fils de Dieu soit manifesté à Israël. Le Messie. Voilà le Fils de Dieu. Voilà le roi. D'ailleurs, on va le voir dans les prochaines semaines, Nathanaël, quand il voit Jésus. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Puissant, non? Donc, l'humanité, là, qui veut refuser, qui ne croit pas ce que Dieu dit, achoppe cette déclaration-là. Il est le Fils unique de Dieu. Parce que dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est déclarer qu'il est Dieu. Carrément. Ses opposants ont compris ça. Plus loin dans les évangiles, je pense au chapitre 8, mais je suis pas certain. Mais il dit, les autres le reprennent parce qu'il se faisant égal à Dieu, parce qu'il se déclare qu'il est le Fils, se faisant lui-même Dieu, ça dit. Je pense que c'est chapitre 8, si quelqu'un le trouve avant, mais... Mais de toute façon, c'est ça. Alors, quand Dieu envoie Jean, il vient comme témoin pour un témoignage de la lumière, verset 7, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Et sa façon de rendre témoignage à la lumière, c'est d'amener l'humanité à changer de voie, à changer d'attitude, à changer de comportement par rapport à Dieu, puis à le montrer en acte, en se faisant baptiser là, dans la rivière le Jourdain, parce que le cœur est en train d'être préparé pour recevoir Jésus-Christ. Et Jésus dit, les prostituées, les publicains, les pécheurs ont certifié que Dieu est vrai, contrairement aux religieux qui ont passé à côté. Ils ont passé à côté, ne discernant pas le Fils de Dieu. Ils n'ont pas discerné. Jésus dit, les prostituées vont vous devancer. Il dit ça aux religieux, ils vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Hey, c'est parce que moi, je suis habillé, j'ai ma tunique, ma toge, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout mon attirail, là. Ils vont te devancer. Mais c'est parce que c'est des pécheurs, des pécheresses, là, des prostituées, des buveurs. Ils vont te devancer, mon gars. Pourquoi? Parce qu'ils ont certifié que Dieu est vrai, ils ont cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Hey, Jonas a parlé, là, il a juste dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Le roi déclare 3 jours de jeûne, incluant les animaux. Ils ne mangent pas 3 jours. Et Dieu a épargné la ville de Ninive. Et Dieu le reproche à ceux qui parlent, à ceux à qui Jésus dit ça. Et Jésus le reproche, il dit, vous êtes devant vous bien plus grand que le témoignage de Jonas, là, tu sais. La reine de Séba, elle vient voir Salomon puis elle capote, tu sais. C'est Salomon. Et il est devant vous bien plus que Salomon. Et vous recevez pas mon témoignage. Malheur, tu sais. Il n'était pas la lumière, Jean, le baptiseur, mais il vint pour rendre témoignage de la lumière. C'était la véritable lumière, Jésus, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il faut pas se leurrer. Il est la lumière qui éclaire tout homme. OK? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. À un moment, je sais pas si vous vous en rappelez ou pas, mais à un moment, Jean-Claude avait enseigné, puis j'aimerais ramener une déclaration qu'il avait faite à ce moment-là. Dans Genèse 1, à un moment donné, c'est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Et à partir de là, tout le reste est créé. C'est important de méditer sur ce sujet-là. Parce que tout nous porte à croire que cette lumière-là, c'est pas le soleil, là, dans Genèse 1. C'est la même que dans Jean 1. Parce que, regardez ce que ça dit, là. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On pense souvent à la lumière, mais en tout cas, des fois on lit Genèse 1 puis on pense que c'est une lumière qui a été créée. C'est juste dit que la lumière soit, la lumière fut. Et pourquoi elle n'est pas juste introduite dans le monde? Comprenez-vous? Quand avec le Proverbe 8, Dieu a tout créé par la sagesse. Et c'est écrit, le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Comme Gilles disait la semaine passée, Jésus est envoyé premièrement, ben, il est envoyé dans le monde entier, mais il vient pour être manifesté à Israël. C'est eux qui attendent le Messie, là, c'est pas les autres. Comme il disait Gilles, il vient dans sa famille le rejette. Le monde ne le connaît pas, il vient chez les siens, on l'a pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour où j'ai dit, Seigneur, je parle de moi là, prends-moi, change-moi, il l'a fait. On the spot là. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne suis pas né parce que mon père y a pensé, mon père terrestre. Je ne suis pas né parce que c'était un intérêt voulu de mes parents. Je ne suis pas né parce que c'était un intérêt de mon cœur. Je suis né de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Habiter, c'est intéressant, le mot habiter, c'est comme faire du camping. C'est camper ou mettre sa tente parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. J'aimerais prendre Hébreux chapitre 1 en parallèle avec ce que je viens de lire ici, verset 14. Hébreux chapitre 1 nous dit, après avoir autrefois, là je lis dans la version second révisée, d'accord, en colombe comme on dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé en Fils. Dieu a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. On l'a vu dans Colossiens 1. Jésus-Christ est la prééminence sur tout. Il est supérieur au-dessus de tout. Et vous faites bien d'y acquiescer par la tête. Vous faites bien. Mais il faut y acquiescer de tout cœur au quotidien. Jésus-Christ, il est supérieur à tout. Il est au-dessus de tous. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes, l'univers. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Donnez-moi une autre traduction, s'il vous plaît, que vous avez. Il l'empreinte de sa personne. Un petit peu avant, est-ce que ça dit pareil? Rayonnement de sa gloire, Céline? Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il l'empreinte de la personne de Dieu lui-même. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et c'est dit, Hébreux 1 nous dit au sujet du Fils de Dieu, le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Qui soutient toute chose par sa parole puissante? Jésus-Christ. Il faut parler précisément de Dieu, les bien-aimés. Des fois, j'entends des discours, je me dis, c'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Ça dérange pas l'humanité. Une bonne partie de l'humanité, disons, que je parlais de Dieu de façon générale, ça les dérange pas trop. Jésus-Christ, ça dérange. On vient de donner un nom à Dieu. Après avoir le Fils, après avoir accompli la purification des péchés, le Fils de Dieu s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Et tout le chapitre 1 d'Hébreux vous montre que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est envoyé du Père, que le Père a déclaré, « Tu es mon Fils ». Et il nous montre plus loin, « Le Père a déclaré, c'est moi qui ai consacré mon oint sur la montagne sainte. Je l'ai déclaré, il n'y a rien qui va le révoquer, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours, tu es toujours grand prêtre, pour tout le temps. Ça ne va jamais changer. Si les mages de l'Orient ont vu dans le ciel une étoile qui annonçait le roi d'Israël, le roi des Juifs, Dieu leur a ouvert les yeux, ils sont déplacés jusqu'à Jérusalem, pour voir le roi. Si des bergers dans la nuit ont entendu le message d'un ange, et tout à coup il y a une myriade d'anges, je ne savais plus quoi faire avec ça, eux autres, qui chantaient. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Dans les lieux très hauts. Et paix aux hommes, et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Puis ils ont couru, puis ils ont vu le Fils de Dieu. Ils sont prosternés. Hébreux 1, et il y a Colossiens 1 aussi, qu'on cite souvent, mais ce sont des passages où on voit où le Seigneur, l'Esprit de Dieu, veut élever Christ. Et vous savez, je dois vous dire que nous n'élevons pas Christ suffisamment dans nos vies. Jésus-Christ, là, il dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu l'ennemi, le diable, Satan. Il l'a vaincu. Il dit, maintenant, le prince de ce monde est jugé. Il n'est pas encore allé à la croix, mais c'était déjà fait pour lui. Et il a vaincu le péché. Maintenant, dans ces trois terminologies, parce que c'est des mots, là, le monde, le diable, le péché, il y a plein de choses que vous pouvez mettre là-dedans, de concrètes. Si vous faites un inventaire de votre quotidien, il y a plein de choses que vous pouvez mettre là-dedans. Et là, vous mettez à côté Christ, qui est supérieur à toutes ces choses. Il est plus grand. Dieu, il a dit qu'il est, au-dessus de tous. Tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le droit, Jésus l'a acquis par son sang. La royauté, il l'a acquise, bien qu'il est roi. Fait que, dans le fond, je m'inquiète pour rien. Dans le fond, je m'en fais pour rien. Dans le fond, c'est que je ne crois pas fondamentalement que Jésus est au contrôle de toutes les situations dans ma vie, de toutes les situations dans lesquelles je peux être placé avec d'autres êtres humains comme moi, frères ou non-croyants. Dans toutes les situations tendues que je peux être, dans lesquelles je peux être placé, je ne crois pas qu'il est supérieur à tous. Je ne crois pas qu'il peut pourvoir de façon que j'ai pas besoin de savoir comment. J'ai pas besoin de savoir comment. C'est pas mon problème. J'ai besoin de croire qu'il va pourvoir. J'ai besoin de savoir en qui j'ai cru. C'est juste ça que j'ai besoin de savoir. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, là, ceux qui travaillent, travaillent en vain. En vain, vous couchez tard. En vain, vous travaillez, vous mangez le pain de douleur. Il en fait autant pour ses bien-aimés. Quand? Pendant qu'ils travaillent? Pendant qu'ils dorment. Psaume 127. Pendant qu'ils dorment. Dormez sur vos deux oreilles, puis laissez le Seigneur faire. C'est pas ça? J'aime ce que notre frère Hudson Taylor a dit un jour. Soit que Jésus-Christ est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Puis je crois ça. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Quand ils ont vu Jésus marcher, ils ont contemplé sa gloire. Ses yeux ont vu sa gloire. Et nos yeux vont voir sa gloire. Comme celle, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le Fils qui quitte le Père. Et qui vient sous l'ordre du Père, et qui vient en même temps intentionnellement à un avec le Père. J'ai reçu, voici l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Fils, va donner ta vie pour la reprendre. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je viens faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Bien que toute chose te soit possible. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Que le Père m'aime. Levez-vous. Allons-y. Jean 15. Il faut admirer Christ. Il faut vraiment l'admirer, méditer sur lui. Longtemps, j'ai cherché gauche à droite. J'ai même acheté un livre de prière voulant m'approcher de Dieu. J'allumais de l'encens. Je jeûnais. Mais quand Dieu a envoyé un Jean-Baptiste sur ma route, Alexandre, puis qu'il m'a dit, « Ce que tu as besoin, Michel, c'est que tes péchés soient pardonnés. » puis que c'est Jésus-Christ. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Alléluia, on peut dire. Merde! Excusez, là, mais... Je dis ça parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé depuis le premier jour. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, verset 15, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et Jean-Claude vous en a parlé il y a 2 semaines. « Avant qu'Abraham soit, je suis. » I am. Égoïmi. Je suis. Qui, je vais leur dire, qui m'envoie? Dis-leur, je suis. T'envoie. Et dites-vous que je suis nous envoie. Man, come on. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, de Christ. Jésus-Christ, celui dont on vient de parler, on a reçu de sa plénitude. C'est dur d'expliquer ce passage-là, OK? Honnêtement, là, pour faire valoir tout ce qui est écrit là. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça parle de l'abondance de la richesse de Christ que les siens reçoivent, que ceux qui l'ont reçu reçoivent. Ça parle de tout ce que le Seigneur est et qu'il donne et qu'il est pour ceux, toute la de bénédiction en bénédiction, de tout ce qu'il est. Ça fait un pont avec Jean 10 qu'on voit plus tard au fil des mois. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Il y en a qui prennent ça tout de travers, ces paroles-là du Seigneur, là, puis... qui ont des vues humaines, juste terrestres. Ils voient ça, puis ils pensent qu'ils vont avoir un château, là. Ben oui, ils ont un château. Non, Dieu veut t'amener dans son royaume, là. S'il veut donner un château, il va t'en donner, puis tu vas te bénir. Mais il veut t'emmener dans le troupeau de Dieu, dans son royaume, à côté du roi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Il dit ailleurs, je pense à Éphésiens, en parlant de l'Église, nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Toute la plénitude de Dieu habite corporellement en lui. Et il dit que nous, on est sa plénitude. Voyez-vous? Il nous remplit, on est plein de lui. Il nous remplit, on est plein de lui. Tout Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu, c'est pas moi qui le dis là. Dieu était en Christ. La loi a été donnée par Moïse, verset 17. C'est vrai. Écoute, Israël. C'est la loi qu'il a eue sur la montagne. Mettra la loi en pratique, vivra par elle. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie. Mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Celui qui croit au Fils a la vie. A la vie. Que devons-nous faire les œuvres de Dieu? Croyez, l'œuvre de Dieu, c'est vous croyez à celui qui a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est ça. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque met ces choses en pratique. pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Gloire à Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je suis venu, Jésus dit, pour rendre témoignage de la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Un Pierre dit, au chapitre 1, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Je vais terminer avec ces quelques mots que je vais vous dire là, et on va clore. Quand Jésus revient, est-ce qu'il revient pour vous punir? Hébreux chapitre 9. Regardez Hébreux chapitre 9. C'est écrit au verset 24, OK? Je vais lire à partir de 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. La question du péché, là, elle est réglée. Quand Jésus vient, là, il vient pas parler du péché. Ça, il l'a réglé à la croix. C'est fait. C'est définitif, c'est réglé pour les saints. Il ne vient pas pour en parler. Mais croyez-le, là. Et vivez selon ça, les bien-aimés. On a contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce, richesse après richesse, bénédiction après bénédiction, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il y a un verset qui me vient en tête depuis tantôt, je vais vous le dire. Là. Jésus dit, soyez remplis de l'Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique de Dieu qui, dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Encore là, ça nous parle de qui est Jésus. Un avec le Père, dans l'intimité du Père, dans le cœur du Père, de toute éternité. Le même qui a été abandonné pour un temps sur la croix, il était un avec le Père depuis toujours. C'est lui qui nous a aimés. C'est bon? Seigneur, on veut te rendre grâce parce que t'es tellement glorieux. Tellement grand, Seigneur. Tellement admirable. T'es le Père éternel, le Dieu puissant, le conseiller, le prince de la paix. Père, merci d'avoir donné ton Fils. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie. Seigneur, on n'a pas suffisant de l'éternité pour te bénir. On ne se tiendra jamais, Seigneur, de te contempler, puis de te découvrir, puis d'être émerveillé devant toi. Seigneur, je te prie cette semaine que ta supériorité, ta suprématie, Seigneur Jésus, qu'on y croit et qu'elle prenne le dessus dans nos vies cette semaine, Seigneur, sur n'importe quelle chose qu'on peut, qui vient être un affront dans notre vie à ta suprématie. Là où il y a de l'incrédulité, Seigneur, manifeste ta puissance, ô Dieu. Et Seigneur, pardon en même temps pour les moments où je suis carrément incrédule. Et merci que je peux compter sur toi parce que tu dis, personne ne vous ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Amen.